Naïf. Moi, mon kiff quand je suis à la station essence, c'est de tomber sur un chiffre rond à la pompe. Et je sais que je suis pas le seul à le faire. Il y a sans doute une fédée quelque part, parce que c'est hyper technique. Sauf que l'autre jour, j'ai mis du gasoil à la place de l'essence. Ça, c'était pas un kiff. On compatit. Ça arrive même au meilleur de la discipline. Pas de panique. À la Maïf, on vous dépanne même si vous êtes à l'origine de la panne. L'assurance auto du numéro 1 de la relation client. Maïf, assureur militant. Dans les conditions et limites du contrat. Lauréat assurance de 2004 à 2024, enquête annuelle Bearing Point Kantar, réalisée auprès de 4000 personnes. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur la légende Kurt Cobain et le groupe Nirvana. That Stupid Club. C'est par ces mots que Wendy Cobain, la mère de Kurt, réagit à l'évocation du tristement célèbre Club des 27 que son fils vient de rejoindre en se suicidant au début du mois d'avril 1994, à l'âge de 27 ans donc. À l'instar de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones ou Jim Morrison, cette fin tragique interrompt une œuvre aussi courte que géniale qui marque durablement l'histoire du rock et qui affirme un nouvel état d'esprit, le grunge. Plongé au cœur de la destinée de Kurt Cobain et du groupe Nirvana, c'est raconter un moment singulier de l'histoire de la musique et de l'Amérique, c'est suivre les tourments d'un artiste confronté au succès et aux failles qu'il réveille, c'est assister à la fabrique d'une icône devenue malgré lui le symbole d'une jeunesse désabusée. Une trajectoire à l'image de cette musique, rapide et forte, où se dessine le portrait d'une génération. Et puis, Kurt Cobain, c'est le charisme fait homme. Regardez par exemple sur internet l'extrait du concert Unplugged de Nirvana, quand son leader chante « The Man Who Sold the World », éblouissant. Notre invité aujourd'hui, Joseph Danvers, auteur, compositeur et interprète, il est aussi écrivain. Son dernier roman, « Un garçon ordinaire », publié aux éditions Rivage, raconte l'histoire de six jeunes adolescents confrontés à la mort de Kurt Cobain. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Simon Maisonneuve, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. KNDD 107.7, the end, Seattle's original alternative. Right now, a song that sounds as good today as it did when it was released in 1991. Au son, d'abord le riff de Kurt Cobain qui ouvre le morceau, puis l'entrée de la batterie de Dave Grohl, la chanson qui s'énerve, enfin la basse de Chris Novoselic qui ralentit le tempo. Alors la petite ritournelle s'installe, lentement. À l'image, une chaussure Converse bat le tempo avant de découvrir la scène. Dans la fumée d'un gymnase de lycée américain des plus classiques, quelques pom-pom girls au costume frappé du A de Anarchy font face à un public d'adolescents blasés. Au milieu, le trio du groupe Nirvana. Jean troué, pull défraîchi et visage en partie caché par le cheveu. Et surtout, surtout, cette voix, ce chant presque crié. Ce 14 octobre 1991, en fin de soirée, lorsque MTV diffuse pour la première fois le clip de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, personne ne peut prévoir la déflagration planétaire qui arrive, et pourtant, tout le monde sent qu'il se passe quelque chose. En 10 ans, la chaîne musicale MTV s'est imposée comme un élément essentiel de l'industrie du disque et a fait du vidéoclip le passage obligé de toute nouvelle sortie. Michael Jackson, Madonna, U2, les plus grandes stars de l'époque dépensent des budgets astronomiques pour les quelques minutes du tube qu'il faut mettre en avant. Et voilà que ce 14 octobre 1991, une bande de trois gars d'un coin perdu d'Amérique, avec 30 000 dollars en poche, une journée de tournage et quelques figurants trouvés en dernière minute, est en passe de tout renverser. Quelque part, tout le phénomène Nirvana est contenu dans cette chanson et ce clip. Le surgissement d'une esthétique et d'un état d'esprit, le grunge, qui sur les écrans du monde entier prend la forme d'un hold-up, celui d'une culture underground sur l'industrie mainstream. Comme toute légende, celle de Nirvana débute par un malentendu. Là où tout le monde croit entendre dans Smells Like Teen Spirit la revendication d'un esprit adolescent, C'est en réalité la blague d'une amie sur la marque de déodorant Spirit qui inspire cette chanson à Kurt Cobain. Oui, mais voilà, tout le monde retient la fin du morceau et du clip. L'exitoire et la revanche, la saturation, les instruments qu'on casse, le pogo qui s'enclenche et le proviseur du lycée qu'on cloue au pilori. Avec Nirvana et Kurt Cobain, c'est une certaine idée du rock pur, dur, sans concession qui ravisait. Smells Like in Spirit devient rapidement l'hymne de toute une génération. Les quelques sentences de Kurt Cobain, c'est marrant de perdre, de faire semblant. Je me sens stupide et contagieux. Ou encore, je suis pire dans ce que je fais de mieux, résonne pour toute une jeunesse en perte d'illusion. En ce début de décennie 90, le capitalisme épanoui et le conservatisme moral des années 80 de Reagan ne font plus rêver personne. Fini les success stories, l'Amérique triomphante, il y a de l'ennui, du désenchantement dans l'air, une envie de révolte, mais sans désir de révolution. Ce 14 octobre 1991, quelque part à New York, Kurt Cobain, 24 ans, regarde la télé. Il assiste lui aussi à la première diffusion du clip. Et ses pensées contradictoires l'assaillent. Ému, son premier réflexe est de téléphoner à sa mère pour la prévenir. Il mesure tellement le chemin parcouru en si peu de temps, lui qui dormait encore dans sa voiture il y a quelques semaines. Mais il devine aussi que quelque chose se termine à cet instant précis. Son clip, sa musique, passe au rythme honni d'une publicité commerciale. Kurt Cobain le sait, « She smells like the spirit » est à l'apogée, c'est aussi surtout son chant du cygne. Je suis né à Aberdeen, dans l'état de Washington, en 1967. Et j'ai vécu entre Aberdeen et Montesano, qui se trouve à 30 km de là. J'ai fait des allers-retours entre les maisons de ma famille pendant toute mon enfance et... Tes parents se sont séparés quand tu étais à l'école ? Oui, quand j'avais 7 ans. Et tu te souviens de ce moment ? Oui, je me souviens d'avoir eu honte. J'avais honte de mes parents. Je ne pouvais plus faire face à certains de mes amis à l'école. Je voulais désespérément avoir la famille traditionnelle, tu sais. La famille typique, la mère, le père. Je voulais cette sécurité. J'en ai donc voulu à mes parents pendant plusieurs années à cause de ça. La population d'Aberdeen est constituée de bœufs intolérants, mâchonneurs de tabac, flingueurs de serre, tueurs de PD, un tas de bûcherons. Ces quelques mots, extraits du journal de Kurt Cobain, permettent de planter le décor d'Aberdeen, ville de 18 000 âmes, située dans l'état de Washington, au nord-ouest des États-Unis, là où est né le chanteur. Jadis prospère, grâce à l'industrie forestière et à la présence du siège social de Boeing à Seattle, la principale ville du coin, Aberdeen, ne s'est pas vraiment relevée du choc pétrolier des années 70, marqué par le chômage et ses corollaires habituels, drogue, violence, ennui. Si l'enfance de Kurt est plutôt douce, il vit très mal le divorce de ses parents. Hyperactif, peu intéressé par l'école, il se tourne très tôt vers la musique. Quelques disques traînent, on lui offre une guitare et une batterie sur lesquelles il passe rapidement le plus clair de son temps. Mais la vraie révolution arrive lorsqu'il s'abonne à un disquaire à distance. Un monde nouveau résonne alors aux oreilles du jeune garçon. Aerosmith, Black Sabbath, Kiss, AC/DC, Led Zeppelin, Iron Maiden. Ça joue dur, fort, et ça réveille de l'apathie pluvieuse d'Aberdeen. J'essayais toujours de trouver du punk rock. Et bien sûr, il n'y avait pas de disquaire à Aberdeen. Et finalement, Buzz Osborne, en 1984, il m'a fait quelques compiles sur cassette. Avec Black Flag et Flipper... Et j'ai été complètement époustouflé. J'ai enfin trouvé ma voie, tu vois. Le même jour, j'ai décidé de me couper les cheveux et de faire du playback sur ces cassettes. Je les ai usées. Je les écoutais tous les jours. Je jouais déjà de la guitare depuis quelques années et j'essayais de jouer mon propre style de punk rock. Et là, j'avais trouvé ce qu'il serait. C'était rapide, avec beaucoup de distorsion. À l'été 83, Kurt Cobain a 16 ans et depuis quelque temps, il vagabonde. Il a quitté le lycée et sa mère l'a mis dehors. Alors, il passe de maison en maison, dort chez les copains ou chez sa tante. Un jour, il tombe sur un flyer qui annonce « Ce soir, concert de rock sur le parking de la supérette de Montesanto, au programme The Melvins ». Créé la même année par Buzz Osborne, The Melvins propose un son sur un nouveau disque, une sorte de punk rock hyper speed. Et pour Kurt, c'est la révélation. Il devient ce qu'on appelle le roadie du groupe, ce qui signifie qu'il les suit un peu partout, transporte le matériel, monte une fois ou deux sur scène. Dans le sillage des Melvins, Kurt confirme son désir profond d'être musicien. Et pour cela, il faut dépasser les frontières limitées d'Aberdeen. Première étape, Olympia. Comme toutes les villes universitaires américaines, Olympia est connue pour sa vie culturelle. Il y a la radio de la faculté et un label, K Record. C'est à cette époque que Kurt Cobain compose ses premières chansons au sein d'un groupe au titre évocateur, Fecal Matter, matière fécale. Ça donne le ton. À Olympia, il traîne aussi avec Toby Vail et Kathleen Hanna du groupe Bikini Kill, à l'origine du mouvement féministe et punk des Riot Girls, qui sensibilise très tôt Kurt Cobain à tous ces enjeux. Pendant de nombreuses années, j'ai pas compris pourquoi. Même si j'écoutais Aerosmith et Led Zeppelin, j'appréciais, et j'apprécie toujours certaines des mélodies qu'ils ont écrites, certaines chansons. Mais il leur manque vraiment quelque chose. Et il m'a fallu des années pour réaliser que c'était juste une question de sexisme et la façon dont ils parlaient de leur beat et de sexe. Et tout ça m'ennuyait. En général, les femmes sont totalement opprimées dans les petites villes américaines. Les mots salope et pute sont courants. Mais je veux dire, on les entend tout le temps. Mais il m'a fallu de nombreuses années pour réaliser que c'était des choses qui me dérangeaient. Comme souvent dans ces histoires, il y a une rencontre. Ici, elle prend la forme d'un géant croate de 2 mètres. Fan de punk rock, pas très intéressé par les études, grand buveur et surtout fils de parents divorcés, Chris Novoselic joue de la basse et plutôt bien. Candidat idéal. Reste à le convaincre de constituer un groupe. Kurt Cobain fait écouter la bande démo de Fecal Matter à Christ, qui tombe sous le charme. Top là, le 17 avril 1989, ils enregistrent quelques morceaux à la radio universitaire d'Olympia, et munis de cette première cassette, ils se mettent en tête de démarcher label et studio d'enregistrement. Or, en cette fin de décennie 1980, le passage obligé s'appelle Seattle. Car ces derniers temps, la ville bruit d'un son nouveau, le grunge. Dérivé du mot « grungy », qui veut dire « sale », l'expression regroupe sous cette bannière des dizaines de groupes. Pearl Jam, Mudhoney, Soundgarden, Alice in Chains, pour ne citer que, tous réunis chez un label Sub Pop. Au croisement du heavy metal et du punk, le grunge apporte une touche plus lente, plus mélodieuse. Style débraillé, paroles désabusées, un nouveau son émerge, et avec lui, une esthétique. Des fanzines, un style, chemise bûcheron, jean troué et surtout, un esprit particulier fait de désenchantement et de simplicité. Une revendication sincère, sans effet, pour répondre à l'hyperproduction de la décennie précédente. Donc, Kurt et Christ arrivent à Seattle. Ils ont désormais un nom, Nirvana, autrement dit l'état d'extinction de tous les désirs, qui colle bien à l'esthétique grunge. Et ils ont aussi un batteur, Chad Channing. Un ami leur a même donné les $600 nécessaires à l'enregistrement d'une première session radio. Ce sera avec Jack Endino, l'ingénieur du son phare de cette scène grunge, qui connaît bien Jonathan Panman, le patron du label Sub Pop. Et il raconte. Nous avons reçu un jour un appel de ce type, vous savez, Kurt. Il a dit qu'il était un ami des Melvins et qu'il voulait venir enregistrer quelques chansons. J'ai dit, d'accord, l'ami des Melvins, c'est mon ami. Venez. Je ne savais pas qui il était. Il est venu, a sorti 10 chansons en 5 heures. On les a enregistrées et mixées en un après-midi et il m'a époustouflé. Je me suis dit, mon Dieu, c'est incroyable. Est-ce que je peux en garder une copie avant que vous ne retourniez à Aberdeen? C'est la cassette que j'ai donnée à Jonathan. Et je me souviens que Jonathan m'a dit en 1990, ce groupe va être énorme. L'album Bleach sort le 15 juin 1989. C'est le temps des premiers passages radio, des premiers articles de presse et surtout de la première tournée. Nirvana fait énormément de dates, partout, tout le temps. Il sillonne les États-Unis en van. Ambiance typique fauchée des débuts. On dort à l'arrache, on joue devant un public clairsemé, on dépense la nuit ce qu'on a gagné le jour, et puis on reprend la route. D'ores et déjà, la première tournée de Nirvana est émaillée des difficultés qui poursuivront le groupe. Kurt Cobain souffre de douleurs récurrentes à l'estomac. Christ, lui, boit énormément. Lors de ses premiers concerts, le groupe impose ce qui fera sa marque de fabrique, finir ses sets par la destruction de ses instruments. Et petit à petit, le bouche à oreille opère, la rumeur fait son chemin, il faut voir ce groupe en live, il se passe quelque chose. En octobre 89, nouvelle étape, Nirvana part en tournée en Europe. Le 11 novembre, il se produit à Berlin, deux jours après la chute du mur, signe de l'entrée dans une nouvelle ère. Qui est Nirvana et c'est quoi Nirvana ? Nirvana, c'est trois gars de la région de Puget Sound, Olympia, Brent Bridge Island et Tacoma. Nirvana, c'est un mot de sept lettres. Et Nirvana, c'est un concept. Nirvana, c'est trois personnes. Moi et deux amis, Kurt et Chris. Nirvana, c'est une sorte de libération de toute douleur et de tout désir. Juste un endroit parfait entre la paix et l'esprit. Et c'est quoi le futur de Nirvana ? Le futur de Nirvana ? Je sais pas. J'espère écrire encore des bonnes chansons. Tout ce qui nous importe, c'est écrire de la bonne musique. Que nous soyons populaires ou non, ça n'a pas d'importance. La musique, c'est ça le plus important. De retour à l'Olympia, Kurt Cobain et Chris Novoselic prennent plusieurs décisions cruciales. D'abord, il se trouve que la relation avec le label Sub Pop s'est dégradée. Kurt et Chris se retrouvent donc face à un choix cornélien. Classique, hein, cela dit, pour de nombreux artistes, et encore plus pour des membres du mouvement grunge. Parce que d'un côté, il s'agit de maintenir son indépendance et ses idées, et de l'autre, céder aux sirènes du système et renier ses principes sur l'autel d'une audience plus large et de revenus plus conséquents. Finalement, les deux garçons trouvent un compromis. Ils signent avec la major Geffen Records, tout comme un groupe qu'ils respectent beaucoup, Sonic Youth. Autre grand changement, Kurt et Chris se séparent du batteur Chad Channing et le remplacent par Dave Grohl. Voilà. Si la vie de Nirvana semble suivre le cours plutôt positif d'un groupe émergent, en réalité, la situation n'est pas au beau fixe pour Kurt Cobain. Il se remet difficilement d'une séparation amoureuse, il galère financièrement et puis, surtout, il consomme de plus en plus souvent de l'héroïne qui soulage ses douleurs chroniques à l'estomac. C'est dans ces conditions que tout ce petit monde entre en studio pour l'étape si cruciale du deuxième album. I am Kurt, I play guitar and I sing. And I am Dave, and I play drums. And I sing sometimes, but not that often. I'm Chris, and I play bass, and I don't sing. Thank God. Le 2 mai 1991, en banlieue de Los Angeles, les trois membres de Nirvana se retrouvent dans le studio de Sound City et avec un nouvel ingénieur du son, Butch Vig. Les enregistrements se déroulent bien. Le groupe arrive en studio avec bon nombre de morceaux déjà prêts, fruit des répétitions dans le garage de Tacoma, où ils se retrouvent depuis leur tournée en Europe et ses nombreux concerts. Tous le sentent, la magie opère dans ces sessions studio. Le jeu de Dave à la batterie, l'harmonie des trois musiciens, la voix de Kurt et son sens de la mélodie. Pourtant, à la première écoute, Geffen n'est pas complètement satisfait du résultat. Alors on fait intervenir David Wallace, un producteur réputé qui lisse l'ensemble, ce qui déplaît fortement à Kurt Cobain, mais qui prépare l'album aux radios nationales. Avec sa pochette iconique, ce bébé qui essaye d'attraper un billet $1 dans une piscine, le disque Nevermind sort le 24 septembre 1991 aux États-Unis. On presse d'abord 50 000 exemplaires. Quelques semaines plus tard, on doit rapidement en faire 10 fois plus. Porté par la locomotive Smells Like in Spirit, la vague Nirvana emporte tout sur son passage. Comme il semble loin le temps, Kurt Cobain vagabondait à la recherche d'un toit ou dormait sous un pont, comme il le murmure dans Something in the Way, avant-dernier titre de Nevermind. Aujourd'hui, le destin brisé de Kurt Cobain. France Inter, affaires sensibles. Here's Nirvana, kicking it off good style. 600,000 copies of their album in the USA. And first time live on TV. See you next week. Les héros du film, Matt Dillon et Bridget Fonda, annoncent de suite la couleur. Ils sont bruns. As if by universal acclaim, the nation's media have declared Seattle the coolest place in the known universe. The music of Seattle is as progressive as the people. Mais qu'est-ce que le grunge? Bah, c'est une mode qui, en fait, on fait de la récupération. On s'habille avec les vieux habits, il faut surtout pas porter de masque. Hey, butthead, where's Seattle? Thanks, phone dude. Comment se prépare-t-on à un succès planétaire inattendu? La réponse est simple, impossible. De surcroît, quand on vient d'une scène grunge dont les principes même s'opposent à ses logiques commerciales et médiatiques. Évidemment, du côté de Seattle et de la scène grunge, on dénonce le tournant mercantile du groupe. Les trois membres de Nirvana prennent de plein fouet ce raz-de-marée mondial. Alors, pour se protéger, ils adoptent une sorte de code de survie qui ne fait qu'amplifier leur popularité. Kurt Cobain arrive défoncé en interview, déconstruit son image, s'habille en robe ou se teint les cheveux en rouge sur les plateaux de télé. Et dès que le groupe joue « Smells Like Teen Spirit », il s'amuse à le massacrer. Pour Kurt Cobain, tout cet emballement est terrible. Il a toujours voulu faire entendre sa musique au plus grand nombre et être reconnu, certes. Mais il n'avait pas mesuré le piège de la popularité, les fans, les médias et la folie que tout cela comporte. Bien malgré lui, il devient une icône, le porte-parole de toute une génération. En coulisses, les trois garçons se crament. Kurt Cobain augmente encore sa consommation d'héroïne. Chris boit comme jamais. Et même Dave Grohl, pourtant plutôt calme, part lui aussi à la dérive. Épuisés, ils arrêtent leur tournée européenne et rentrent à Seattle. Le 11 janvier 1992, Nevermind est en tête du classement américain des meilleures ventes d'albums. Nirvana dépasse Michael Jackson. La star pop ultime de la fin des années 80, supplantée par le groupe grunge des années 90, cette fois et au-delà de la formule, quelques fois surannée, et éculée, on a clairement changé d'air. Je pense que, en particulier les journalistes, ils ont vraiment un problème avec le concept de femmes post-punk qui réfléchissent. Je veux écrire des chansons et nous voulons être le meilleur groupe possible. De retour à Seattle, Kurt Cobain retrouve Courtney Love, la chanteuse et l'âme du groupe Punk Hall. Entre les deux, c'est l'amour fou. Une idylle qui, bien sûr, défraye la chronique. Le couple forme une sorte d'idéal punk qui nourrit évidemment le phénomène Nirvana. Problème toutefois, Kurt et Courtney s'entraînent mutuellement dans une descente aux enfers de la drogue. Ils passent d'hôtel en hôtel, de défonce en défonce. À la vitesse d'un riff grunge, tout va tellement vite. Le couple se marie à Hawaï en février 92 et en août naît leur fille Frances. Une semaine après la naissance, un article paraît dans le magazine Vanity Fair qui affirme que la chanteuse a consommé de la drogue pendant sa grossesse. Une vague d'indignation parcourt alors le pays, les services sociaux se penchent sur leur cas et deux jours après la naissance de Frances, une assistante sociale leur annonce qu'on leur retire la garde de l'enfant. Au milieu de ce marasme, Kurt Cobain répond comme il le fait depuis le début par le détournement et l'ironie. Lors d'un concert à Reading, il arrive sur scène en blouse et en fauteuil roulant, s'effondre comme mort, finit par se relever et entame un concert de feu. Et au milieu du set, il s'adresse à la foule. Des choses terribles ont été écrites sur nous, en particulier sur ma femme. Elle pense que tout le monde la déteste. Alors pourquoi ne pas lui envoyer un message? Vous lui direz « Courtney, on t'aime ». Ok? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tout cela a des répercussions sur le groupe, bien sûr. Chris est de plus en plus inquiet face à la consommation de drogue de Kurt. Et puis, forcément, avec le succès, la question de l'argent surgit. Kurt annonce à ses deux compères une nouvelle répartition des droits. il prendra 100% sur tout ce qui est parole et 75% sur la musique. Si cette nouvelle donne se défend, puisque c'est tout de même Kurt Cobain qui compose et écrit les morceaux du groupe, elle rompt un certain esprit du trio. Face à cela, c'est autour de la musique et de la création que Nirvana et Kurt Cobain trouvent un nouveau souffle. Sur ce sujet, les trois garçons sont raccord. Ils veulent prendre le contre-pied de Nevermind, ils veulent revenir aux origines. Fini les sons trop produits pour en faire des hymnes, non. Pour ce nouvel album, ils choisissent l'ingénieur Steve Albini, connu pour être un puriste qui se résume à un principe simple. On ouvre les micros, on joue, on enregistre zéro effet, on fait du brut, et voilà. Le 14 février 1993, direction Minneapolis, au Pachyderm Studio. En 15 jours, le troisième album de Nirvana est terminé. Geffen déteste, mais n'a quasiment pas son mot à dire. Comme pour afficher sa nouvelle direction, l'album s'ouvre sur le titre « Serve the Servants » et ses paroles en forme de manifeste. L'angoisse adolescente a bien rapporté « Maintenant je suis vieux et je m'ennuie ». Côté vie privée, Kurt et Courtney ont récupéré la garde complète de leur enfant. Le chanteur déclare dans toutes les interviews qu'il a arrêté la drogue. Et entre les membres du groupe, tout semble aller pour le mieux, comme l'expliquent Chris et Kurt, d'interview en interview. Il y a une période où il y a eu une rupture de communication, mais maintenant, depuis l'année dernière, il y a eu de bonnes relations entre tout le monde. Je veux dire, Kurt et Courtney viennent dîner à la maison, ils amènent l'enfant. C'est une sorte d'agressivité passive. On ne se confronte pas l'un à l'autre si on est en colère. On fait savoir à l'autre qu'on est gêné par quelque chose qu'il a dit, et on oublie tout ça. C'est vraiment la seule façon de travailler avec quelqu'un. Aucun d'entre nous n'a vraiment cette personnalité agressive. Nous sommes tous à peu près le même genre de personnes. Nous avons donc commencé en tant qu'amis, et je ne vois pas comment on pourrait nous empêcher de rester amis. En vérité, et en coulisses, la descente aux enfers de Kurt Cobain continue. « I hate myself and I want to die » est une expression qu'il répète sans cesse en privé. Pire encore, en plus de l'héroïne qu'il continue à consommer, il ajoute une volonté suicidaire. Il prend des doses beaucoup plus élevées, se passionne pour les armes à feu. À reculons, il accepte une tournée européenne. Le groupe s'envole pour 38 dates dans 16 pays différents. Mais à la moitié, le chanteur craque. Il n'en peut plus et met fin à la tournée. À partir de là, tout va très vite, trop vite. Comme si le temps s'accélérait, tout entier tendu vers une fin inéluctable et tragique. De Munich, Kurt Cobain prend la direction de Rome. Le soir même, il avale 50 comprimés de rohypnol avec du champagne. C'est Courtney Love qui le retrouve inconscient, allongé sur le sol. Le 8 mars, il s'envole avec elle vers Seattle. Chez lui, il recommence à se défoncer dans des proportions toujours plus grandes. Ses proches essayent bien de l'aider, le raisonner. Mais non, rien à faire. Il paraît si loin, isolé. Courtney, elle, va en cure et le convainc d'y aller aussi. Arrivé le 30 mars, il s'enfuit au bout de 2 jours et retourne à Seattle. Là, il erre dans sa maison, seul. Inquiète de la disparition de son mari et sans nouvelles, Courtney engage un détective privé, Tom Grant, pour aller le chercher. Mais sans succès. Aucune trace de Kurt Cobain. Le vendredi 8 avril au matin, c'est un électricien qui découvre le cadavre du chanteur dans une verrière, à l'écart de la maison, mort d'un coup de fusil dans la bouche. Le médecin légiste conclut un suicide tant ça paraît évident. On retrouve dans le sang de Kurt Cobain une dose d'héroïne largement suffisante pour provoquer sa mort. Et puis il a laissé une lettre d'adieu. Le samedi 9 avril, à l'annonce de sa disparition, les fans de Seattle se réunissent pour une veillée funèbre organisée dans le centre de la ville. Ils sont plus de 7000 à se recueillir. En fond sonore, Courtney Love lit la lettre d'adieu de Kurt Cobain. Je ressens la même chose que vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous lire toute sa lettre, mais une partie est pour vous. Je n'ai plus ressenti d'excitation à écouter, ni même à créer de la musique, depuis maintenant trop d'années. Je me sens coupable de tout ça bien au-delà des mots. Le pire crime auquel je puisse penser serait de duper les gens en prétendant que je m'amuse encore à 100%. Je me réjouis d'avoir touché et diverti tant de gens. Il y a du bon en chacun de vous, et j'aime simplement trop les gens. Alors pourquoi n'es-tu pas resté, putain ? Peace, love, empathy, Kurt Cobain. Paix, amour, empathie seront ses derniers mots. L'annonce de sa mort provoque une déflagration. Le suicide d'une génération, titre le Washington Post. Comme toute légende ou idole, la mort de Kurt Cobain suscite son lot de thèses plus ou moins complotistes. Dans ce cas, la théorie de l'assassinat sera alimentée par Tom Round, le détective embauché par Courtney Love, et qui se retourne contre elle, l'accusant d'être à l'origine de sa mort. En réalité, l'absence de Kurt Cobain et celle de toutes ces icônes disparues trop tôt. Elle laisse un vide rempli des regrets de ce qu'ils auraient pu continuer à créer. Ça serait bien de commencer à jouer de la guitare acoustique et d'être considéré comme un chanteur et un auteur-compositeur plutôt que comme un rocker grunge. Je pourrais juste profiter quand je serai plus vieux, m'asseoir sur une chaise et jouer de la guitare acoustique, comme Johnny Cash par exemple. 18 novembre 1993, dans les studios de MTV. Depuis plusieurs mois déjà, la chaîne tente de convaincre Nirvana de participer à l'une de sessions phares de l'époque, le MTV Unplugged, une série de concerts live et en acoustique. D'abord réticent, Nirvana finit par accepter. Quelques fleurs sont déposées sur le sol, la lumière est tamisée par des chandeliers, le public est essentiellement composé d'amis ou de proches. Dès les premiers morceaux, tout le monde le sent, l'atmosphère se charge petit à petit. Sans avoir répété, le groupe est à l'unisson, la magie opère, transporté par la voix de Kurt Cobain et le jeu du groupe, tout en simplicité. Du clip de Smells Like Teen Spirit à cette session Unplugged légendaire, la boucle se referme. Et voilà bien la suite qu'aurait sans doute écrite Kurt Cobain, loin des stades remplis et de la folie du star system dans lequel il était entré contre sa volonté. Loin, bien loin de cet homme qui a vendu le monde, comme il le chante dans cette reprise de David Bowie qui restera pour toujours gravée dans les mémoires, une reprise magnifiée, en un mot commençant, sublime. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Kurt Cobain, Nirvana. Notre invité, Joseph Danvers. Bonjour. Bonjour. Auteur, compositeur et interprète, vous êtes aussi écrivain. Et votre dernier roman, Un garçon ordinaire, publié aux éditions Rivage, raconte l'histoire de six jeunes adolescents qui s'apprêtent à passer le bac. Et le livre s'ouvre sur cet incipit. Aujourd'hui, Kurt Cobain est mort. Je voyais vous animer en entendant, en écoutant The Man Who Sold the World, donc enregistré par Nirvana lors du concert Unplugged. C'est vrai qu'on atteint le sublime, là. Bah, on se rend compte, oui, voilà, c'est vrai que c'est une reprise de Bowie, mais tout au long de cet Unplugged, de la qualité de son writing de Kurt Cobain. Et c'est vrai qu'au départ, on était pas mal à être un peu passé, enfin, quelques-uns étaient passés à côté en se disant, bon, bah, c'est un groupe pas des Pixies et l'autre groupe, mais on n'avait pas mesuré cette empreinte et ce génie du songwriting de Kurt Cobain. Et alors, juste avant de chanter The Man Who Sold the World, lors de cette saison Unplugged, il dit, bon, bah, je vais la massacrer, quoi, comme d'habitude. Sauf qu'il a fait un truc, magnifié. Pourquoi cette volonté? C'était pour garder l'image grunge? Ah, je sais pas du tout. Là, je pourrais pas répondre à sa place, mais c'est vrai que moi, je me souviens de passages télé comme je crois que c'était à Top of the Pops où il décide de chanter Smell Like Teen Spirit un peu comme Morrissey, enfin très très bas et de tout saccager. Je pense que c'était son refus de, mais comme tout le mouvement grunge, de jouer le jeu des médias, de jouer le jeu du star system et puis du capitalisme en gros, quoi. Alors, le jour où vous avez appris la mort de Kurt Cobain, qu'est-ce que vous avez ressenti? Que représentait-il pour vous? Pour moi, en fait, alors, pour tout avouer, j'aimais bien Nirvana, mais c'était, le livre raconte, c'est un personnage qui parle, mais donc je me suis mis dans la peau d'une génération dont je faisais partie, mais moi je suis arrivé un petit peu après. Mais c'était une déflagration parce que c'était plus que la perte d'un chanteur, ou c'était, en fait, la musique à l'époque était un marqueur social. C'était un marqueur, c'était un, on s'identifiait dans la cour d'école à travers ce qu'on écoutait. C'était, oui. Il y avait vraiment un rôle important dans la musique. Et puis, avec la disparition de Kurt Cobain, tout ce mouvement, bon, voilà, j'avais les chemises à carreaux, j'avais les cheveux longs, j'essayais de pas les laver, enfin, il y avait tout un truc. Mm-hmm. On s'identifiait et il y avait un pont entre Seattle et Nevers, la ville où j'habitais. Et il y avait, c'était la première fois qu'un chanteur nous représentait autant. C'était la première fois qu'on avait l'impression que c'était le grand frère. Et donc, ce qui était terrible, je crois, c'est qu'à cette époque-là, quand on a 15, 16, 17 ans, d'une manière générale, on est rarement confronté encore au décès, aux ruptures, à l'absence en général. Ouais. Et là, on a pris cette absence en pleine gueule, en se disant, ça y est, celui qui nous comprenait, celui qui nous représentait, il n'est plus là. On n'a plus ce phare dans la nuit, un phare s'était éteint. Et donc, oui, ça a eu un impact considérable sur la génération dont je fais partie, parce qu'on se disait, mais donc on peut mourir à 27 ans. Ouais. Ce club des 27 dont vous parliez, qui était réservé à Joplin, Hendrix, c'était quand même une autre génération. Mais là, nos grands frères rejoignaient ce club. Mmh. Donc il y avait quelque chose de très spécial, quoi. Mais les autres générations ont ressenti, avec Janis Joplin, John Lennon qui avait 40 ans, mais bon, la même chose que vous. Hein, bah, à chaque génération, on a ressenti la perte d'un, pas d'un guide, hein, surtout pas, mais d'un frère, d'un grand frère, ouais, quelqu'un qu'on veut suivre. Et à votre avis, pourquoi la légende du rock est aussi noire? Alors, moi je pense que la drogue y fait beaucoup, hein, parce que ça a déclenché des morts prématurées. Il n'y a peut-être pas que ça. C'est très bizarre, parce que c'est normalement quelque chose de festif qui appelle au bonheur, et on a une légende noire du rock pendant des décennies. Bah parce que le rock, si on retrace, alors je suis pas un spécialiste non plus du rock, mais le rock vient du blues, et le blues c'est quand même un chant de désespoir, des esclaves noirs dans les champs de coton, si je caricature. Ouais. Donc le rock et le rhythm and blues, voilà, découlent de cette de quand même de ces chants qui n'étaient pas non plus des chants de mariage, on va dire, ou de fête foraine. Donc, donc Nirvana est arrivé en plus à une période, 25 ans, 25-30 ans après le punk, c'est-à-dire que c'était un peu le nouveau punk, moi j'ai l'impression, c'est comme ça que nous on l'a vécu, c'était une musique qui était anti-establishment, qui refusait ce qu'on nous imposait, en tout cas ce que la société nous dictait, et puis les voies tout tracées. Et là on avait un mec qui arrivait et qui nous disait, on peut faire autrement. Et puis comme vous le disiez aussi, dans son refus de d'avoir un look, de porter des marques, dans sa lutte pour que les femmes aient une place. Dans, ouais. Enfin, c'était un groupe, on le savait pas encore, mais qui était à la fois écolo, féministe, et puis qui portait des belles valeurs. Et ça devait, dans une époque où on n'était pas du tout au fait de ces choses-là. Et donc ça représentait vraiment beaucoup. Et puis cette noirceur, je pense que c'est le parce qu'on était, alors lui encore plus, mais moi, comme je disais, j'étais plus jeune, mais c'était la gueule de bois des années 80. C'est-à-dire que, ce coup, il y avait eu l'hédonisme, les couleurs flashy, le capitalisme, Ronald Reagan, président aux États-Unis, enfin, tout un faisceau de choses. Et puis, bam, c'est comme un lendemain de fête. D'un seul coup, il y a une petite gueule de bois. Gueule de bois. Et puis, c'est ces gens-là, dont nous, qui devons prendre le relais. Donc, forcément, quand on est en gueule de bois, on a beaucoup moins envie de chanter des choses heureuses que de dire ce que disait Nirvana. Alors, il y a quelque chose qui frappe chez Kurt Cobain, c'est sa sincérité. À aucun moment dans les archives ou autres, ou quand on le voit à l'image, à la télé, à aucun moment on sent qu'il joue un rôle, que ce qu'il fait est travaillé. Non, c'est un monceau de sincérité, ce type. Ce qui est important aussi de signaler, c'est que c'est le point de départ de mon livre, c'est que, donc il meurt en 94, et en 95, Internet arrive, 95-96, Internet arrive dans les foyers. Mmh. Donc on est dans une période où, effectivement, l'image est beaucoup moins importante, ou en tout cas, la part de mystère, d'inconnu, et donc le désir qu'on avait par rapport aux idoles, aux icônes, ou aux rockstars, était totalement différente. Et puis la manière, comme vous le disiez aussi, de faire de la musique, ce que voulait Kurt Cobain, c'était faire de la musique. Et la plupart des gens qu'on écoutait, et dont lui en particulier, c'était des gens inadaptés au monde, qui trouvaient juste dans la musique un moyen d'exister, et puis de dire des choses. Il n'y avait pas cette envie du star system, et justement, quand le star system l'a rattrapé, bien malgré lui, après l'album Nevermind, ça a eu des conséquences terribles sur son destin. France Inter. Affaires sensibles. Joseph Danvers, on l'a vu, hein, Kurt Cobain est devenu une icône. Il y a sa mort, tragique évidemment, mais il y a aussi ce qu'il représentait, ce qu'il chantait, ce qu'il défendait, autant de choses sur lesquelles se sont cristallisées toute une jeunesse, vous le disiez, toute une génération. Et vous reprenez cette idée dans votre livre, notamment dans un passage. Peut-être que vous pourriez nous lire ce passage. Ok. Nous sommes les adolescents des années 90, les héritiers d'une époque fastueuse en pleine gueule de bois. Mais c'est notre époque, notre jeunesse. Alors on se doit de la vivre à 100 à l'heure, furieusement, d'en profiter avant qu'elle ne s'évanouisse, la tête enfouie dans le sable de nos illusions, de nos rêves encore grands et possibles. Nous sommes une génération d'enfants pâles, sans repères, subissant les regrets de nos aînés, fracassés par la peur qu'ils nous inoculent malgré eux, terrorisés par le monstre qu'ils ont nourri depuis si longtemps et qui s'apprête à leur voler leur descendance. Nous sommes le fruit des guerres et du capitalisme florissant, de l'inconséquence des élites et de la résignation du peuple. Nous sommes les supporters d'une équipe qui enchaîne les défaites. Nous sommes la génération X. Vous auriez aimé appartenir à une autre génération ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire là, par rapport à cette génération qui est la vôtre ? En fait, ce que je voulais raconter surtout dans ce livre, c'était le tournant d'un monde et on n'avait pas idée, en 94, de ce qui allait advenir, comme je disais, un an et demi après. C'est-à-dire que le monde allait totalement changer, à tout point de vue, et qu'on était les derniers représentants de cette adolescence insouciante. On avait conscience que le monde partait un peu en vrille et que c'était, on n'était pas forcément dans la meilleure période, mais on n'avait pas encore vraiment conscience que tout allait s'accélérer autant. Et notamment avec Internet, les réseaux sociaux, ce rapport à l'image, ce rapport aux icônes, ce rapport à la musique. Et donc cette génération, c'est vrai que c'était une génération, j'ai l'impression qu'on était... peut-être un peu une génération tampon, sacrifiée. Ouais. Et je le dis un peu plus, enfin je le dis un peu avant dans le livre, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu après la fête. Et que nous on aimerait bien faire la fête, et donc cette génération, on se disait oui, c'est notre jeunesse, donc on va quand même la vivre, on est obligé. Mais on a une conscience qui est toute adulte, alors qu'on devrait être encore dans l'insouciance. Je vous comprends, moi j'appartiens à la génération d'avant, c'est la génération de la fête. Hein. Et ben voilà. Et on était un peu, c'est vrai, privilégiés, ne serait-ce qu'au niveau de la musique. Ce que raconte votre livre et ce que raconte aussi l'histoire de Kurt Cobain, alors c'est à un certain moment de l'industrie de la musique qui change et qui semble loin d'un point de vue alors, purement musique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans une bascule? Je pense qu'on est totalement dans une bascule, mais qu'on l'ignore encore une fois totalement, c'est-à-dire que Kurt Cobain, et surtout le grunge, le mouvement grunge, parce qu'il n'y a pas que Kurt Cobain et que Nirvana dans le grunge, d'accord, vous l'aviez dit. C'est le dernier grand courant musical du XXe siècle, et même peut-être qui existera, il y a vaguement eu la French Touch après, mais ça n'a pas eu du tout cet impact sur la société. Et au moment où donc Internet arrive et qu'on pense qu'on va tous être connectés et reliés les uns avec les autres, on n'a jamais été autant individualiste. Et on n'a jamais, de manière paradoxale, essayé de ressembler à l'autre plutôt que d'essayer d'être unique. Et ça, vous en parliez aussi. Et c'est ce que dit aussi mon héros dans le livre, Un garçon ordinaire. Il dit que quand on montait un groupe de rock, on essayait de ressembler à personne. Et on a basculé dans une société où on essayait de ressembler à tout le monde. Et je pense que la mort de Kurt Cobain, la mort du grunge, représente vraiment cette bascule. Vous dites que c'était le dernier courant musical novateur. On est dans quoi alors aujourd'hui? En 2020. Bah on n'est pas, il y a pas de courants musicaux. Je vous mets au défi d'essayer de me dire, le mouvement dominant comme le grunge, le funk, la Britpop, toutes ces vagues qu'il y a eu, la soul, le blues, le rhythm and blues, le rock and roll. Là, on est dans quelque chose d'un peu bâtard parce que la musique n'a plus du tout le même rôle dans la société. Et donc les gens, la génération qui arrive et qui fait de la musique avec des nouveaux projets n'a plus du tout les mêmes velléités, n'a plus du tout les mêmes envies qu'un mec comme Kurt Cobain dans les années 80. Et ceux qui produisent la musique, qui la vendent et qui la diffusent n'ont plus du tout non plus les mêmes envies et les mêmes buts. Donc la musique n'a plus la même portée, elle est beaucoup moins ancrée dans une nécessité, dans un mouvement artistique, je dirais, dans une nécessité de ceux qui la font. Et donc forcément, ceux qui la reçoivent ne la reçoivent plus pareil. Mais ça veut dire que les concerts font encore recette. Il y a encore des moments d'émotion forte et collectif dans les concerts. Il y a beaucoup d'artistes qui font recette. C'est pas forcément des artistes qui ont créé des mouvements ou qui sont en opposition à quelque chose. Je veux dire, la plupart maintenant des artistes, Leur rêve, c'est de signer avec Dior, c'est d'avoir un partenariat avec Vuitton. C'est la... On est très très loin de Joe Strummer, de Kurt Cobain et de ces gens-là. Et pourquoi pas? Il faut des gens qui, comme ça, qui font de la musique divertissante, grand public. Le seul problème, c'est que l'alternatif, l'indie rock ou même le rap du départ, etc., n'a plus sa place forcément dans la société. London... Vous dites le rap du départ. Bah ouais, c'est important. Le rap du départ, c'est pas le rap. Ouais, bah parce qu'en fait maintenant c'est du, enfin je sais pas, je vais pas, il y a pas de, mais il y a une notion qui est vraiment différente dans la manière de faire de la musique et puis de la porter aux gens. Voilà. Je porte pas de jugement. Vous me posez la question, c'est vrai que c'est un état de fait. Et ouais. depuis ces années 90, j'ai pas ressenti l'émergence ou le courant de d'artistes qui se disent tiens, on va révolutionner la musique, ou en tout cas on va mettre notre trip sur la table. Ouais. Peut-être que je me trompe et que j'ai pas écouté les bons artistes. Non mais il y a pas de jugement, mais je sens chez vous quand même une certaine nostalgie, une forme de tristesse. Non, c'est pas de la nostalgie, non. Encore une fois. Souvent ce qui ressort du livre, c'est qu'on dit justement il y a pas de nostalgie, je dis juste que ces années-là étaient différentes. Oui, des petits regrets quand même, d'accord. Voilà. Bon, on arrive à la fin de l'émission, Joseph Danvers. Je suis nostalgique si vous voulez, allez d'accord. Bon, allez, jugez. Merci beaucoup, au revoir. Je vous en prie, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Kurt Cobain et Nirvana. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Collin. Inter présente le livre Olympics, l'étonnante histoire des Jeux. 150 aventures sportives pour découvrir les Jeux Olympiques. Olympics, Dorit Colodny, un livre France Inter. Pour tous les amoureux du sport.